Ati ganja le se jang bagudo Omu le te pe obe la doa da se Ofia jang ben le temwe E la doa yame un Oda siara le le da desro le chanchi Kome va je kame Omu nyanya gome obe la du temwe Ati ganja le se jang bagudo Omu le te pe obe la doa da se Ofia jang ben le temwe E la doa yame un Oda siara le le da desro le chanchi Kome va je kame Omu nyanya gome obe la du temwe Témoigner.